Nom d'Allah le plus beau. Nom d'Allah le plus beau. Asma'ullah al-Husna. Allah possède les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Les noms d'Allah expriment sa grandeur, sa suprématie, sa sainteté, sa pureté et la perfection de ses attributs. Allah les confirme pour lui-même et nous commande de l'appeler par ses noms. Il dit: à Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Sourate Al-A'raf, verset 180. Un musulman doit croire en tous les noms d'Allah et confirmer qu'ils lui appartiennent tous sans modifier leur signification, les renier ou les comparer au nom d'une de ses créatures. Allah dit: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend tout et voit tout. Sourate La Consultation, verset 11. Parmi ses noms, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Khaliq, le créateur, Al-Malik, le souverain, Al-Quddus, le saint, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Hakim, le sage, Al-Salam, celui qui est source de paix, Al-Alim, celui qui sait tout, etc. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit: Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui croit en leur signification et agit selon eux entrera au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.